C'est ça, regarde. Ce putain de monde, devient dingue. Il parle avec des flingues. N2S, FLX, Eh ouais, j'ai prié, le cœur plié. Trop de morts, trop de corps rapatriés. Mais comment briller et toujours nier? Eux, ce qui les intéresse, c'est leur billet. Qu'on est trié, qu'on est grillé. Dans ma tête, j'entends des gens crier. Sur ces terres, les décédés sont oubliés. Ce qui plaît pas est toujours caché ou maquillé. Mes lèches m'évadent, ce shit m'éclate. Effet médiat, mes yeux se dilatent. J'tire des lattes à cause des droites. Que ces terres me donnent, putain, ça me déboîte. Tant de psychopathes, que veux-tu que j'constate? Tout ça m'ébatte, veux-tu que j'me batte? Alors j'exploite, le micro m'abatte. Je grasse, certains qui au fond de moi me gratte. Ce monde devient dingue, il parle avec des flingues. Dans l'immensité du mal, le bien n'est qu'une épingle. La merde se propage, oublie avec des wanches. Les médias nous endorment, nous prennent pour des singes. Ce monde devient dingue, il parle avec des flingues. Dans l'immensité du mal, le bien n'est qu'une épingle. La merde se propage, oublie avec des wanches. Les médias nous endorment, nous prennent pour des singes. J'prends pas le micro pour te faire danser, mais pour dire la vérité sur ce qui se passe ici-bas. J'te parle des attentats devant des tas d'hommes d'état qui volent aux pauvres pour s'enrichir sur notre dos, sans penser au CSA qui laisse dire ce qu'il faut pas, qui raconte ce qui se passe chez moi, sans parler de Sarkozy qui incite les flics à traquer nos frères au lieu de ces pervers, ces pédophiles qui achètent nos filles sur internet pour se payer de la chair fraîche. Bon, je viens d'arriver dans ce putain de monde, j'te souhaite bienvenue ici-bas, ou pour un tombe, ou pour un regard travers, on te fait la misère, où rares sont honnêtes, où même politico rêve de te la mettre, où y'a un tas d'enfoirés mal intentionnés qui rêvent de te faire tomber, et qu'après ta mort sur ta tombe ils viennent danser. Ce monde devient dingue, il parle avec des flingues. Dans l'immensité du mal, le bien n'est qu'une épingle. La merde se propage, oublie avec des wanches. Les médias nous endorment, nous prennent pour des singes. Ce monde devient dingue, il parle avec des flingues. Dans l'immensité du mal, le bien n'est qu'une épingle. La merde se propage, oublie avec des wanches. Les médias nous endorment, nous prennent pour des singes. Les hommes de paix n'ont plus leur place dans ce monde, car le mal règne, une atmosphère immonde. Malcolm, plus Kennedy, la prochaine fois on enterre qui? Les valeurs de Luther King, je prétends pas être le king, ni avoir la science infuse. Dès que des hommes veulent le bien, y'a des balles qui fusent. Tookie Williams, parti du mauvais pied, un crime à expier, s'est pris à rêver de paix, condamné dans les couloirs de la mort. Un repentir sincère méritait-il son sort? Le mal a pris le pas sur le bien, le cœur ne compte plus, il reste plus que les biens. Les libéralistes, économiques, terroristes, qui mettent la terre à feu et à sang pour le fric. L'Irak pour le pétrole, l'Afghanistan pour les pipelines, et font combattre des pauvres pour des paplards. Ce monde devient dingue, il parle avec des flingues. Dans l'immensité du mal, le bien n'est qu'une épingle. La merde se propage, oublie avec des wanches. Les médias nous endorment, nous prennent pour des singes. Ce monde devient dingue, il parle avec des flingues. Dans l'immensité du mal, le bien n'est qu'une épingle. La merde se propage, oublie avec des wanches. Les médias nous endorment, nous prennent pour des singes.